ما يحترمناش ما نحترموش هكذا، واللي ما يحبناش واللي ما يقدرناش واللي ما يتبعناش واللي يتيري علينا واللي يحقرنا ونعلبوا اللي ما يحبناش. باب الواد كينغستون حلا كي الزيتون تبان من بعيد بلا قيطون. سبيسيال ديديكاس ا تو لي كونترابانديي كي سون دون لا بلاص. السلام عليكم يا اهل سلام، مرحبا بكم. فوزات سور راديو حشيشه اي سي حشيشه افيك فو، معاكم pour une petite soirée de 2 heures من الساعة 8 إلى الساعة 10 donc ce soir samedi. Donc je reviens faire cette émission où j'ouvre l'antenne de Radio Chicha pour les auditeurs, ils peuvent appeler pour intervenir ce soir. Donc c'est une émission de test. Le sujet n'a pas été complètement choisi, donc on va essayer d'être souple. Vous pouvez appeler pour dire ce que vous voulez, mais sinon c'est juste une première émission où on va ouvrir l'antenne aux auditeurs. N'hésitez pas à intervenir, Khaouti. Désolé pour ce léger retard, il y a eu un problème de serveur en fait, tout simplement, mais là visiblement c'est revenu, visiblement c'est bon. L'antenne est ouverte par Skype, Khaouti, Ikhwani Khawati. Vous pouvez nous appeler par Skype, Hshisha DZ. Hshisha DZ, tout attaché par Skype, vous pouvez intervenir. On va essayer de parler en fait sur les sujets qui concernent l'Algérie, bien sûr. Les sujets qui concernent l'actualité, la situation, etc. Chacun il a son point de vue, chacun il a son avis. On va essayer de s'exprimer tous, on va laisser s'exprimer tout le monde comme il le pense. On doit aussi, attention, respecter, on doit essayer de respecter quand même une certaine éthique et tout. Il ne faut pas insulter les gens. مش راحين نسبوا الناس ولا مش راحين نطيحوا ولا مش راحين نضربوا ولا نزعفوا الاشياء هذو. On va juste s'exprimer, donner la parole à tout le monde gentiment. Chacun il a son point de vue et puis c'est pas sur Radio Chicha qu'on va changer le monde, ça c'est sûr. Et puis c'est tout. Moi je suis très content d'être là parmi vous. Je suis un peu stressé, Haka, c'est je lance un peu l'AFSA. Il y a aussi moyen de laisser passer de la musique en même temps. Donc vous pouvez nous appeler à partir de maintenant. Chicha DZ. Vous pouvez nous appeler tout de suite en fait. L'antenne est ouverte. Je salue tous les gens qui sont en train de nous écouter. Je salue les auditeurs. Et puis c'est tout. Je passe un petit peu de musique. Vous pouvez nous appeler, Khaouti, il n'y a aucun problème. On va essayer d'écouter pour commencer. En fait, je laisse la machine choisir elle-même sa musique. Là, on va écouter un petit peu Fayrouz. Ce n'est pas très algérien, mais bon, c'est de la musique, de la bonne musique. N'hésitez pas à appeler Khaouti, Hshisha DZ par Skype. Marhaba Bikoum, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est une première, en fait. Donc, les sujets sont ouverts et tout. Il suffit d'être gentil. Vous êtes les bienvenus. Marhaba Bikoum, à tout de suite. On va écouter Fayrouz et je reviens dans 2 minutes. بيت خلف تلالنا بيطلع من قبالنا يسمع الألحان. نحن والقمر جيران عارفين وعيدنا وتارك بأرميدنا أجمل الألوان. ويا في ليل الهنا مع النهدى طيابا على مطلع شرحنا الهوى غوى حكايات. نحن والقمر جيران لما طلوا زارنا عقنات ردارنا رشرش المرجان. جارة القمر يا أحلى غني يا حبك موجب السهر ناني وذكى حب سبك ليل الهوى سهرتك يا جارة القمر نحن والقمر جيران Donc voilà, c'était Fairouz, la belle voix de Fairouz. Vous êtes sur Radio Chicha, Ikhwani Akhawati. Il est 20h15, heure d'Alger. Vous êtes les bienvenus. Ceci est la première émission en direct, live sur Radio Chicha. L'antenne, elle est ouverte. Les gens, ils peuvent appeler. Les auditeurs, vous pouvez appeler. Marhaban bikoum, aynama kuntoum ya al salam. Si vous avez quelque chose à dire aujourd'hui, de toute façon c'est cool, il n'y a pas de problème, vous intervenez comme vous voulez sur le sujet que vous voulez. Nous sommes en même temps en train de faire du test, on appelle ça du bêta, c'est-à-dire on teste en même temps, mais sinon nous sommes très contents en fait. Sur Radio Chicha, nous avons fait appel à tous nos techniciens, nos techniciennes et tout. Ils sont 50 techniciens, 2 ingénieurs, un PhD et tout à travailler sur la technique pour vous passer à l'antenne. Vous pouvez appeler Radio Chicha donc en appelant sur Skype. Chicha DZ, cherchez sur Skype Chicha DZ, puis n'hésitez pas à appeler. On va essayer de vous faire intervenir avec grand plaisir. La prochaine, de toute façon, je reviendrai un petit peu plus tard. Je vais essayer de vous faire écouter un peu de musique en même temps. De toute façon, je reviendrai un petit peu plus tard. Vous parlez, s'il n'y a personne qui appelle, vous parlez premièrement sur un petit sujet qui s'appelle les web radios. C'est quoi les web radios? Pourquoi les web radios? Pour qui les web radios? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? J'ai envie de dire un petit mot par rapport à ça. Là où ça m'attomiani, où l'habit tout intervenu aussi, parce que je pense que c'est important même pour les activistes algériens ou pour ceux des Algériens qui veulent se faire entendre sans avoir les moyens, etc. Il y a toujours des moyens sur Internet. Internet, il sert à ça. Sans avoir de grands moyens, on peut faire des choses à un niveau limité, bien sûr, mais on peut faire des choses qui sont archivées, qui sont publiques. Et quand on veut défendre des causes ou là, quand on a des sujets à développer, il y a moyen de le faire. Il y a les web radios pour le faire. Sinon, il y a un deuxième sujet sur lequel je voulais aussi discuter. Si vous voulez intervenir sur ça, il n'y a pas de problème. C'est le sujet de la corruption en Algérie. Je remercie une amie sur YouTube qui avait dit ça serait bien de faire une intervention sur la corruption. Donc voilà, elle a raison. Le sujet de la corruption, je pense qu'il est important. De toute façon, on va essayer de le traiter plusieurs fois, pas une seule fois. J'essaierai de revenir les prochaines fois sur le sujet de la corruption. Et il y a aussi un petit programme pour cette émission. Moi, je voudrais bien à l'avenir avoir des invités. Je vais essayer de contacter les gens gentiment. Je vais essayer de leur lancer des appels pour qu'ils interviennent. Je veux bien, moi, discuter avec eux, interviewer un petit peu, discuter avec certains activistes, certaines personnes qui sont sur Internet et qui interviennent. On a leur page Facebook et tout. Moi, je veux bien les faire venir. et pour dire un peu ce qu'ils pensent. Après je vous passerai un petit peu de musique. Je vous informe juste que les émissions de live sont enregistrées, si tout va bien. Elles sont enregistrées pour passer sous forme de podcast sur Radio Chicha. Donc n'hésitez pas à aller sur radiochicha.com. Dans la rubrique podcast, vous allez trouver les émissions. Elles sont en réécoute, donc n'hésitez pas à les réécouter. Elles seront là. J'espère pouvoir faire tout ça tranquillement, gentiment. Donc vous pouvez appeler sur Chicha DZ via Skype, marhaba bikoum. Que ceux qui veulent intervenir, ils n'ont qu'à appeler sur Skype. Moi, j'essaierai de basculer la discussion sur le live. Ça sera avec grand plaisir. Radio Chicha est ouverte à tout le monde. L'antenne est ouverte à tout le monde. Et j'espère que vous passez d'agréables moments avec nous. Un peu de musique, s'il vous plaît. Moi, j'avais préparé une petite playlist. J'ai envie de vous passer... Rabah, Don Quichotte, Don Quichotte, Serraqin, écoutez ça, c'est du lourd. سراقين قلنا سراقين رابح دون كيشوت من باسين اها 98 2008 البياس دون كيشوت حقيا جينا هنا يا خو باش نطلبو حقنا غايبنا شعبنا غايبنا عرقنا غايبنا دمنا غادتنا لارضنا بنيتو هنا يا حفاري سكنو فيهم الدراري غيريتو شو عشرين يعشو سهرانين ومشاكل حياتهم يبدو سكرانين كل يوم الحالة فارغة والغاشي قا خدامي هو ما صحتلوش ما نزلش مع اللولين تبي تحوز من اللي كور كان ديما مع الاخرين والسيستم هنا تفون غير اللي عنده والدين راح يجوز لارمي وزاد ضيع عامين راح بحب الوطن شاف خوتو متقاتلين ولا الحوم في الزوالي حب يدير بلاصتو جبد طاقو شضروات حتى ان طاحت صحتو هداك وما لحقش يدير دار المرتو فهم سيبا لابان ونزل من القطار قلبها شومر دوليكس وزيد عقلية سبيطار رجوني اكتيفاسيون في الليل كارطال دومي مع صحابو داخل ديكي تحت الدخان مدفوني حسبوهم ضايعين قالوا ما فهموا والو لا لا انتم اللي فاهمين غبار صحاب العيون موسو عقلية خردة نحكي على الزوالي اللي مشتاق برك الردة وان شاء الله ما تنساوش كي بناديكم المخدة المصغر صاهر اللي داخل براكة باردة خبره مسحوا في البترول اللي ورثوا على الشهادة اللي ورثوا على الشهادة غاشي نساء حبك بدو قولوا لي وين خبتو قولا مسؤول وين ملين الطرول تمو الدبارد اللي في صحايرة حبك خبار غاشي نساء حبك بدو قولوا لي وين خبتو قولا مسؤول وين ملين الطرول دراهمهم في وجوه الفقر وجو سمون عليا هذه 45 سنة يسرقوا لي تهين من عولاد وعلى القرايا من سفة عولادهم تقدر تبني لي كولاد من قالج الغردايا ما عندكم حتى هدر معايا فهموني برك كيف هاد قبلوا وجكم صفح قدام المرايا سمع قلت في الخاوت وكل واحد يسطر عيلته مكة اسمع هنايا احنا اللي ضاجوا الناس تعنا راحت فلوش مدفونين 10 سنين من دار ما تخرجوش واللي خرجوا غبروهم واللي كانوا يروحوا من داك المدرسة وما يولوش احنا اللي طيب قلبنا واليوم كبرنا فهمنا خطر قرينا ارواحنا في كتابة تاع الناس شفنا اللي درتو شعبنا ثورة بدات بستيلو من بعد البوليتيك واللي موراها سلاح حتى نطلقوا حقنا وهنا ماشي نيجير قبل البرانية واحد فيكم ما يبدا حتى نتبعوا ورضنا غاشي نساء حبك بدو قولوا لي وين خبتو قولا مسؤول وين ملين الطرول تمو الدبارد اللي في صحاري راه حبك خبار غاشي نساء حبك بدو قولوا لي وين خبتو قولا مسؤول وين ملين الطرول راديو حشيشة. Gentil de ta part. C'est juste pour vous encourager, mon frère Samir. Marhaba Bik, de toute façon, tu sais que à chaque fois qu'il y a des gens qui font quelque chose ou là, qui interviennent ou là, qui ont quelque chose à donner et tout, on les encourage. Donc, merci, Khoya Samir. Merci beaucoup pour l'appel, Khoya Mourad. Et puis, n'hésite pas à appeler quand tu veux. Il va y avoir les prochaines fois, Inch'Allah. Inch'Allah. On est là en tout cas. Mais, ben oui, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Sahit. Je reviens, je reprends un petit peu la parole. Derrière, il y a la chanson Temptation de Temptations, en fait. Et je voulais remercier notre ami, camarade Mourad qui vient d'appeler. Je suis désolé, j'ai pas pu tout faire passer parce que je suis en train de cafouiller un petit peu. La technique est un peu compliquée. De toute façon, ce n'est que le début, c'est la première fois et tout. Je suis en train d'essayer d'arranger tout ça. De toute façon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. N'hésitez pas à passer par radiohashisha.com pour m'envoyer vos messages ou là, même sur Skype pour m'envoyer vos messages et tout. Si ça passe pas, si le son n'est pas bon, il n'y a pas de problème. Je suis en train de faire les réglages. Et puis, encore une fois, Radio Hashisha, c'est une radio qui est ouverte à tout le monde. Ceci est une émission qui est destinée aux Algériens et aux amis des Algériens qui veulent discuter de la situation en Algérie, que ce soit les gens qui sont là-bas ou les gens qui sont à l'étranger et tout, ils peuvent intervenir. Avec la langue que vous voulez, en fait, en français, blarbi, asqveilif, ou là, en anglais, un petit peu, je ne suis pas très fort en anglais, mais si les gens ils veulent intervenir en anglais, marhaba bihom, bdarja, blarbi al-fosha, ki mahbito, c'est ouvert, on va essayer de s'exprimer tous, en fait, voilà. Qu'est-ce que je fais? J'espère que je réussirai à faire passer les auditeurs. Hein, ça sera avec un grand plaisir. N'hésitez pas à appeler Hashisha DZ sur Skype. Pas de problème. De toute façon, quand vous intervenez, chers amis, chers auditeurs, il faut, quand le Skype il démarre, il faut couper la radio Handcom. Il faut couper le son ou la fermer la fenêtre Hadik ou la juste couper le son pour pouvoir discuter juste sur Skype. Comme ça, il n'y a pas de bruit bizarre pendant la discussion. En principe, tout ça, ça doit marcher. Je remercie Mourad qui vient d'appeler. Merci pour l'encouragement, le soutien. Tu peux revenir quand tu veux, cher ami, cher frère. Et je vous laisse avec un petit peu de musique. Je reviendrai un petit peu plus tard. N'hésitez pas à appeler sur Hashisha DZ via Skype. Marhaba bikoum. Allez, je vous laisse écouter Inaslien, une chanson que moi j'aime beaucoup, que je dédicace à tous ceux qui passent par là. Ravah Inaslien, Filoufa. قوي بك مكان تخيلك واسيك كتير سيب قايت نعطي زنا أسل حكمكي هيا قشيش هسق الغرب كهانيك أكم طلاطك مروجك نال عرقاني سابك يا في لفا يا دانا ونبوي لك مكان تخيلك واسيك كتير سيب قايت نعطي زنا أسل حكمكي هيا قشيش أصدق الغرم كهانك هاك مطلون ذك مروجك نا عرقاني سابك العرض تجمي ويدود هادو دول سحامي بيغا وهدقو قامي تغود فانا تشو مالحرمي فيه قرنا أفيري ويدي شفنا تمزل ويدي نيقمو هادي سدقن زكاني غا تعطاك إلى فتاة نديل فاني عدانا كل مباوي ذكا مكان تخيل ونسيك مكمي تيجي فين عطيزينا أسفح كمامي هذا قشيش مصف الغر وكهاني ما أكم طلون ذك مروجي مو نار عرقاني سامي ما نار تاسو سمي ويدو حرمي ذي قرن أهس ما بيدي ويدي ذي شفنا نمشل ويدي ذي قوح هاتي سك سكني قوح تعزك دفتنا Nous étions en train d'écouter Inas Lien Filoufa, la chanson qui les a fait connaître. En fait, tout le monde les a connus avec Filoufa, mais sinon Inas Lien, c'est un répertoire qui n'est pas énorme. On connaît l'histoire d'Inas Lien. Deux albums, je ne veux pas dire de bêtises. Je sais que Rav Inas Lien continue à faire. Mais sinon des morceaux et des titres inoubliables, tous les uns comme les autres. Inas Lien Filoufa, c'était donc sur Radio Chicha. La Radio Chicha est ouverte ce soir aux auditeurs. Vous pouvez appeler Yael Salem pour passer à l'antenne par Skype. Il suffit d'appeler Chicha DZ. Normalement, on essaie de vous passer sans problème. Aujourd'hui, nous faisons une petite émission test. La prochaine fois, ça sera normalement mieux, Inch'Allah. pour écouter. On va essayer de s'écouter les uns les autres. Les gens qui sont sur Internet, qui écoutent, ils peuvent intervenir, ils ont Skype, il suffit d'appeler, c'est facile. Aujourd'hui, je n'ai pas fixé de sujet comme ça, strict et tout. À mon avis, il vaut mieux qu'il y ait un sujet. Mais sinon, aujourd'hui, comme ça, puisqu'on fait des tests, les gens ils peuvent appeler, comme notre ami Morad qui vient d'appeler pour nous soutenir, pour nous dire bon courage, c'est très très sympa. Donc vous pouvez vous aussi appeler sur Chicha DZ via Skype, Chicha DZ et puis go, yalla. Moi je voulais dire tout à l'heure une petite discussion vite fait, yani haka. Une petite discussion sur les web radios, puisque on est dans le sujet des web des web radios. Je voulais dire un petit peu les web radios. Je voulais rappeler ça à tous les militants en fait qui sont sur la place, qui m'écoutent, tous ceux qui utilisent Internet. Pardon. Tous ceux qui utilisent Internet pour s'exprimer, pour trouver quand même un moyen d'alerter le monde, d'alerter les gens, d'alerter les Algériens et tout sur ce qui se passe. Ou la hala, mathalan, min halat, je sais pas, anaya, ou kain bzaf thani halat, ta nas marda, ou ma andoumch adouya, ou ma andoumch dram bach iddawa, ou la jihad li raoum fiha, ma fihach hôpital normal, ou la shahadou. Donc il y a Internet pour s'exprimer, heureusement. Malheureusement, du côté algérien, à la belle comblé, Internet, ils l'ont limité et tout. Ça, ils ont rendu Internet à sa plus simple expression. Mais avec ça quand même, il y a quand même quelques millions d'Algériens qui sont sur Internet. Ils sont presque tous sur Facebook. Il faut essayer de créer sa page et tout. Et si vous voulez faire de l'audio, et l'audio, il touche les gens, il les marque en fait. Je pense que quand on défend une cause et tout, c'est bien de procéder par l'audio ou là, par la vidéo, parce que ça marque les gens. Et il y a un impact, le message quand tu le passes, ça touche les gens, donc il faut le faire. Il y a le système, tu as les web radios, il y a le système des vidéos, il y a la page Facebook et tout, il y a le système, tu as la web radio. Et vous avez remarqué, il y a des outils sur Internet qui permettent de diffuser web radio gratuitement. Avec accès à Internet, c'est tout. C'est tout ce que ça demande en fait. Fdar avec un ordinateur, fih Skype, fih WinAMP, tu as refait avec le player, tu as les MP3, WinAMP. Ou avec accès à Internet, tu peux dire web radio. C'est quand même génial à mon avis. Il faut pas rater ça. Il faut pas négliger ce genre de choses si vous voulez vous exprimer. Soit vous êtes tout seul et vous voulez faire votre petite web radio dans votre coin, il faut pas hésiter à le faire. Soit vous êtes une association ou là une organisation qui veut s'exprimer, donc il y a moyen de faire ça. Si vous voulez faire web radio gratuitement et tout, n'hésitez pas à chercher sur Google. Vous allez sur Google, vous cherchez comment faire ma web radio, par exemple. Ou là, essayez de chercher, par exemple, l'AFSA qui ça va vous aider, Shootcast avec S, donc Shootcast Web Radio gratuit, ou là, Free Web Radio. Et tu vas trouver des outils sur Internet gratuitement qui te permettent de transformer l'ordinateur TAC et le WinAMP TAC en outils qui diffusent sur Internet. Et il y a même moyen, si tu documentes un petit peu qui fait les techniques un petit peu à casser, rien de compliqué. Quand il veut, c'est pas compliqué, franchement. C'est à la portée de tout le monde, en fait. Mais quelqu'un qui veut se prendre un peu la tête. Mais chez Wahd Haba, c'est ça, en fait. Moi, je dis aux gens, attention, ne croyez pas que tout se fait haka, yani. J'ai remarqué sur l'Internet, notamment l'Internet algérien, qu'il y a bzef mennes, notamment les militants, les associations et tout, qui ne font pas le nécessaire. Moi, je leur dis, attention, mais djik haka, parce qu'il faut se donner, il faut consacrer du temps, il faut aller, mathalan, il y a un tutoriel qui explique comment installer sa web radio, lazm tqra. Tu peux pas, yani, dgoul bli ana, lazm nas dirhouli, ou là, c'est pas possible et tout. Non, il faut se prendre un peu la tête. Et à mon avis, pour les gens qui ont besoin de ça et tout, il y a les moyens. Ils sont gratuits, il y a les moyens. Donc moi, je dis ça en fait par rapport aux Algériens, les Français, les Européens et tout. Eux-mêmes, ça va, ils ont beaucoup avancé sur ce type de choses. Ou madhabina, les Algériens, on essaye d'améliorer l'afsahadi. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Peut-être que je dirai un peu plus plus tard, puisque j'ai le temps. Goulna Abli, sur Radio Chicha, ce soir, on a ouvert l'antenne pour une émission live jusqu'à 22h, حتى الساعة العاشرة بتوقيت الجزائر. راهي 8:30, donc عندنا الوقت. J'espère que vous passez d'agréables moments avec nous. Moi, je vais essayer de ne pas parler trop. S'il y a des appels, ça serait bien en fait, parce que les gens ils vont s'exprimer, puis il y a d'autres idées et tout. Je salue tous les gens qui sont en train d'écouter. N'hiyekoum, chers auditeurs et chères auditeuses, entre guillemets. Et puis je vais essayer de vous passer un petit peu de musique et je reviendrai plus tard. Je vais voir du côté de Skype. Je vais faire des signes comme ça à la technique, à Djouzouna, cache auditeur. Marhaba bikoum. Chicha DZ sur Skype et vous êtes sur Radio Chicha direct. Il n'y a, y a pas de transition. Donc voilà. Et puis quoi? Musique. Ok. Secteur H. Micro Brésil 4. Mohal Ronteo. Normal. 2005. Vers le samedi. FH. Micro Brésil 4. Alors. Dalmatias. Mort. واش عم بتلهم في بالهم منتحيلهم طبايع هادو من عندي نسوهم لو كان نساب نشوف الهم ياكلهم من عندي كلمة من قلبي تمنى لهم ليش تيعلمهم وصح دايرين في بالهم باللي احنا ما شفناش ما تنزلناش ما دقناش ومعيشتنا تقلاش منين بلاش كيفاش واش عم بتلهم حاسبين سكات سطرهم والولف يجوز كلامهم نغلق راسي ونخلي الكعبة يجيح لمسالهم تربيت العنف واش في بالهم بيان محبة ليهم ولدت ظلام اللي مكح. Ça se passe bien, on est en train de, d'essayer de passer les gens. Je vois qu'il y a des appels en fait, c'est bien. Donc c'est du direct sur Radio Chicha, Khoya, la parole, elle est à toi, t'fadl, et tu peux t'exprimer. J'ai un petit problème de batterie, c'était pas prévu à la coulée, mais à la base, la voix elle me dit quelque chose, mais bon, Goulinta. En 1977. Ah, bien, exact. La voix maintenant, c'est bon. La voix, elle colle sur le pseudo. Voilà, alors, smihli, juste, j'ai un petit problème de batterie. Je ne sais pas comment je vais vous dire, mais j'essaie de le faire. Parce que tout ce qui est informatique, c'est le barbecue. Et pourtant, Khoya, tu lis beaucoup et tout. J'ai vu tes vidéos. Bravo, franchement. Et puis, n'hésite pas à intervenir, Khoya. You're welcome. Marhaba bik. C'est très gentil pour ta gentillesse. Je t'en prie. Il n'y a aucun problème. Merci d'avoir appelé, Khoya. Merci, Khoya. Donc, merci beaucoup d'avoir appelé, c'est très gentil. C'est un des youtubeurs DZ qui fait des vidéos. Moi, je suis fan, entre guillemets, hein, ça se dit pas, mais bon. C'est juste que c'est très intéressant, avec une sincérité, une honnêteté. Quelqu'un qui respecte les autres et qui essaye de faire de bonnes choses. Moi, j'encourage. Il est très gentil d'avoir appelé. N'hayik Khoya, n'hésite pas à appeler quand tu veux. On essaie de prendre un autre appel. L'Akh Khaled. Les autres qui essayent de Salam alaykoum, Khoya Khaled. Allo, salam alaykoum. Marhaba bik. Si c'est possible de couper la radio عندك, باش نهضروا برك في Skype. Impeccable, parce qu'il y a un double son. Salam alaykoum, chaque fois, ça va? Marhaba bik, ça va très bien. Merci pour l'initiative, Adia, c'est très bien. C'est très gentil. Ok, Inch'Allah, on va essayer de s'exprimer d'achal. Impeccable. De toute façon, c'est ouvert pour tous les gens qui veulent participer, les gens qui s'intéressent à notre pays, qui s'intéressent à la situation. Marhaba bihom. C'est ouvert à tout le monde, sans exception. Et puis, n'hésite pas, Khoyan, si tu as des trucs et tout, n'hésite pas à les dire. Je vais profiter de l'occasion pour passer un bonjour à Khoyan Mourad Aouismati. Impeccable. Ok, Khoyan Arbiyan ou Khoyan Samir. Merci beaucoup. N'hayek. Merci, Khoya, Sahit. Allô, salam alaikum. Donc, on prend un autre appel. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum, Najim. Si tu m'entends, je ne sais pas si tu m'entends. Moi, je ne t'entends pas. Khoya Najim, je ne t'entends pas. Si tu peux rappeler, ça sera avec grand plaisir, mon frère. Allô, Khoya Najim. Oui, Azoul Samir. Azoul Flek, tu m'entends là? Oui, je t'entends très, très, très bien, 10 sur 10. Ça passe, impeccable. Merci beaucoup. De rien. C'est juste pour te remercier, t'encourager pour cette initiative. C'est vraiment impeccable. C'est sympa. Oui, c'était juste pour te remercier pour cette initiative. C'est vraiment très, très, c'est très, très bien. Quelque chose de très, très bien. Kiaoun Rabbi, Inch'Allah. Atek Saha, Tamoul. Ça va nous permettre de nous exprimer plus. Plus Zatik Tamoul. Le pouvoir, n'importe qui, donc très très très bonne chose et je te souhaite un très très bon succès. Et je souhaite aussi, j'aimerais bien qu'il y en aura d'autres qui vont faire la même chose, qui vont faire d'autres radios web, qui vont permettre à d'autres personnes qui vont de s'exprimer. Impeccable, impeccable. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est gentil pour les encouragements. Et puis si là aujourd'hui, pour le moment, il n'y a pas encore de sujet comme ça, même si je disais, on peut parler de la corruption de toute façon ce soir, puisque c'est un sujet à la une, à la belle nablie, on est tous concernés par ça. Mais sinon, les encouragements sont les bienvenus. C'est très gentil en fait, moi j'apprécie ça. Et tu peux rappeler quand tu veux, ou là si tu as un message à faire passer, tu peux en profiter pour le passer. Avec plaisir. Blamzi, j'ai l'habitude de suivre tout ce que tu fais sur YouTube. J'ai presque visualisé toutes les vidéos que tu as mises en ligne. Bon, ça m'arrive parfois de faire des commentaires, je sais pas, mais pas tout le temps. Bon, moi j'ai pas vraiment le temps de faire la même chose. Moi, j'envisage, je compte faire une radio aussi, une radio web sur YouTube. Impeccable. Pas pour le moment, mais dans le futur proche, Inch'Allah. Impeccable. N'hésite pas à faire Thamourth et puis n'hésite pas à demander si on peut aider. Ça sera avec plaisir. Et puis, il faut s'exprimer et il faut, entre guillemets, il faut casser la baraque. Il ne faut pas se gêner, en fait. Il faut toujours rester dans les normes et tout, mais il faut y aller à fond. Moi, je t'encourage à le faire. Et merci beaucoup pour ton appel à Thamourth. Bon courage à Samir. Allez, merci beaucoup. Merci. Bon courage à toi aussi. Ça arrête. Merci beaucoup, Athamourth, pour l'appel. J'ai un autre appel, quelqu'un qui veut intervenir, Karim. Azoul Fleka, Karim. Oui, Azoul. Marhaba bik, merci beaucoup pour l'appel, Khoya. Ah, oui, il n'y a pas de problème. Nous sommes en direct, là, en passant direct sur Radio Chicha. Ah. Et c'est sympa d'avoir ton appel, franchement. Allô? Oui, moi je t'entends. À toi la parole. D'accord. Oui, bonsoir Azoul Flaouen, bonsoir à tous. Voilà, donc moi j'appelle. Ok. D'accord. Voilà, monsieur Chicha, donc moi je te souhaite. En fait, Karim Khoya, je ne sais pas si tu m'entends, il faut couper la radio Gorek. Si tu peux la couper, comme ça on va juste parler sur Skype. Après, tu peux réécouter après, de toute façon. Ok, c'est bon. Comme ça, on n'a pas de double. Donc, c'est bon. Oui, donc bonsoir, M. Chicha. Donc, moi, si je t'appelle à l'instant, c'est pour t'encourager davantage pour cette initiative que je souhaite pour les Algériens et les Algériennes participent à chaque fois pour soulever des sujets d'intérêt général. Parce que notre pays a besoin de contribution de chacun de nous. Donc moi j'ai juste une question, j'ai une question pour toi. Je souhaite savoir quels seront les sujets qui seront abordés sur cette radio. Voilà, donc je souhaite une bonne continuation et je te dis à la prochaine. Merci beaucoup pour l'appel, cher Karim. Atek Saha, et je peux te répondre comme ça tout de suite si tu veux. Ou là, la question sur les sujets, en fait, c'est, à mon avis, c'est ce que tu viens de dire. Moi, je suis partant sur ça, c'est aussi mon idée. les sujets qui concernent les Algériens, les sujets qui sont d'actualité. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, il y a une actualité parce qu'il s'est passé un événement important, donc on va essayer d'ouvrir l'antenne pour que les gens y s'expriment et ils contribuent. Comme tu dis, l'Algérie, notre pays, il a besoin de tout le monde en fait, il a besoin de tous ses enfants. Ouais, donc on va essayer de faire participer tout le monde. Ou là, on peut prendre aussi des sujets, par exemple, toujours qui concernent l'AMA, qui concernent la collectivité. Et par exemple la corruption, par exemple les élections en Algérie, par exemple la situation politique. On peut aussi débattre d'autres choses comme la situation de l'école ou la situation dans les hôpitaux, la médecine, etc. Donc ça va être ça les sujets. Donc c'est plutôt des sujets d'actualité. Exactement, ouais, exactement. On va essayer de consacrer l'émission, head l'émission, pour les sujets d'actualité. Il faut diversifier, donc il faut faire venir peut-être des artistes, des invités une fois par semaine ou je sais pas. C'est moi je propose de, il faut proposer ça justement. Il faut essayer d'inviter d'autres personnes. Il faut inviter des invités. C'est une bonne idée. Franchement, moi je l'avais cette idée en tête comme ça, même si je suis pas allé loin en fait. Mais je trouve que c'est une bonne idée, c'est-à-dire qu'à chaque fois, s'il y a des gens qui sont de bonne volonté, et moi je suis prêt à contacter certaines personnes, des journalistes ou là des militants ou là des écrivains ou là, pour qu'ils participent avec nous, par exemple, une partie de l'émission. Le reste de l'émission, c'est pour les gens, ils vont donner leur avis sur ce qui a été dit. Ça serait intéressant. C'est gentil de ta part de faire des contributions. Et la radio, elle sera ouverte, c'est-à-dire elle est disponible là ce soir, je pense que c'est pour 2 heures, c'est ça? Exactement, ça va être à chaque fois une émission de 2 heures. Et Binou Binek, puisque tu me permets en fait de dire ça, je voulais aussi contacter certains que je connais s'ils veulent animer une émission à leur manière et tout. On va essayer de trouver quand même une solution sur ça. J'ai déjà pensé à une ou deux personnes parce qu'il faut qu'il y ait un travail collaboratif en fait. S'ils peuvent par exemple un autre jour ils peuvent organiser une émission une fois par semaine, eh bien ça sera ça de fait. Mais c'est des projets qui, comme on dit, on verra inchallah de toute façon. Donc c'est 2 heures par semaine finalement. Pour le moment, c'est 2 heures par semaine pour cette émission. Ah ben, c'est déjà un grand pas. Ouais. S'il y a après d'autres personnes qui veulent organiser des émissions et tout, moi, je suis partant. Hein. Je suis ouvert à toutes les propositions. Ça se discute. Il faut bien sûr de la collaboration. Mais je suis ouvert à toutes les discussions. Comme ça, on peut avoir d'autres créneaux pendant la semaine ou là, un autre jour ou là. Donc nous on est là pour te soutenir, je te remercie. Akhoya Karim, tu peux appeler quand tu veux, c'est chez toi ici, franchement. Ah, pas de souci. Merci Samir. Merci à toi. Bonne soirée. Merci à toi. Bonne continuation, à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup Karim. Après, bonne soirée Sahid. Donc voilà, c'est notre ami Karim. Un Algérien que moi j'ai déjà rencontré en fait, quelqu'un de très sympa. Et je te remercie, Fahmourf, pour l'appel, pour les propositions, les idées et tout. Tu m'as permis un peu de faire le tour de cette émission. Voilà le programme, en fait. Ça m'a permis de le dire. N'hésitez pas à appeler Yael Salem si vous voulez intervenir sur Radio Chicha. C'est ouvert, c'est sans contrainte, il n'y a pas de problème. Yani, Wahdi intervenir qui m'aïhab. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vérifie Skype s'il y a des interventions, là, des appels. S'il n'y a pas d'appel, je regarde les techniciens, parce que là, je vous dis, il y a 35 techniciens, 2 PhD, il y a même un mécanicien, on essaie de faire fonctionner tout ça, et je leur demande de nous passer de la musique, et j'ai envie de passer Rabah MBS, qui va faire un truc avec Takfarines. Hadia Fikhatar Al-Khwatar. Ouh là là là, on va passer Freeman, il est en train de nous appeler. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Marhaba bik khoya. Merci Samir. Donc c'est Mouloud à l'appareil. Marhaba bik Mouloud, nous sommes à l'antenne. Et Aïchik, merci. Donc j'ai coupé la radio, comme ça je t'évite le... Génial, le son est net. Qui va avec. Le son est net. Ah ben c'est impeccable alors. Donc, je vais commencer, Khoya Samir, par te saluer toi et saluer tous les auditeurs de ta radio. Marhaba bi. Ainsi que tous nos frères algériens et tous les hommes de bien et de bonne volonté. Je voulais te dire, Blé, comme à l'insu des autres personnes, que c'est une très très bonne initiative. C'est gentil. Et d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai pas bien compris, j'ai vu juste ton annonce il y a 10 minutes, j'étais en train de regarder une série là. J'ai vu ton annonce sur Facebook. Je me suis dit, tiens, Chicha, il va faire une radio live. C'est trop la classe, je vais participer. C'est sympa, je suis désolé pour la série alors. Non. Allez, on pause là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc, c'est une très bonne initiative. Ça, j'ai pas compris. Est-ce qu'il y a un sujet précis ce soir? Parce que il m'avait semblé que tu avais dit que c'était orienté, qu'il y avait un sujet parlant de la corruption ce soir. J'ai pas trop compris. Non, c'est un peu flou. Tu as raison. Tu as raison, c'est un peu flou, mais c'est vrai que moi, comme c'est la zéro en fait, parce qu'on est en train juste de lancer l'AFSA pour voir comment ça marche et tout, et puis moi je suis content parce que ça marche finalement, les appels ils passent, je suis content. Merci. Mais sinon, pour ne pas laisser dans le vide cette émission de ce soir, le sujet c'est vrai que le problème de la corruption, c'est celui qui revient le plus à l'IMET. Je me suis dit, les gens s'ils veulent intervenir sur le sujet de la corruption, marhaba bihom. Oui, tout à fait. Voilà. C'est Samir. Voilà. Je voulais te dire, je voulais dire que, قبل ما ندخل في le sujet de la corruption, donc, حبيت نقول لك برك بلي, Anna, si je peux me permettre, يعني, j'aurais aimé proposer une idée, et ça serait à mon initiative. Donc, comme tu avais proposé qu'il y ait des personnes qui ont la possibilité que tu ouvres l'antenne à des personnes pour qu'ils fassent des émissions, d'après ce que j'ai entendu il y a quelques minutes. Moi, si je peux me permettre de te proposer une idée, et qui est la suivante, j'aimerais bien, via ton antenne, s'il y a une possibilité pour moi que je puisse animer une émission sur l'histoire de tout pays, hein, et ainsi que la géopolitique et le monde du renseignement. Je sais pas si tu trouves ça intéressant, je suis disposé à le faire. Impeccable. Moi je suis partant. D'accord. On discutera plus tard si tu veux. Exactement. On reprend contact en privé, bad, et hop, on met en place là, ça. Moi je suis partant. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Donc, on cadrera les sujets sur lesquels on doit parler. Enfin, bref, on verra ça plus tard. Concernant le sujet de la corruption, donc, dans tout sujet, quel qu'il soit, c'est mes opinions personnelles, dans toute chose, quel qu'il soit, yani d'une manière objective, il faut se poser les deux questions. Le pourquoi et le comment. Yani le pourquoi, ça inclut d'où ça vient. Et le comment, quels ont été ces mécanismes ou quels sont les mécanismes utilisés pour pouvoir mettre en marche les outils de la corruption. Exact. Donc, Anna, à mon humble avis, la corruption en Algérie, elle a été voulue. Elle c'est pas quelque chose qui est venu d'une manière spontanée. Et mesh haja jet hakda jet hakda l'espace nas ou là ou hakda d'un seul coup d'entrer dans la corruption. Ou là ou pratiquer la corruption. Hada ce qui se passe en Algérie, ça a été déjà programmé depuis des dizaines d'années. Peut-être que si je dis ça, j'apprends rien à personne, mais bon, je donne mon opinion. En Algérie, vu le climat mondial, parce que tu sais qu'à un certain moment, de l'histoire du siècle passé. Il y a eu des mouvements populaires, des révolutions populaires, bon, qui portaient un peu la couleur socialiste, qui sont venus avec des idées d'émancipation des peuples, de liberté, de pouvoir accéder à une éducation, à un système de santé, ainsi de suite. Et il y avait, d'un autre bout, une élite mondiale qui n'acceptait pas ces idées et qui ne voulait pas, comment dirais-je, que tous les hommes soient égaux sur Terre, quoi, tout simplement. Donc, et de là, à mon avis, est parti, en revenant à l'Algérie, depuis qu'elle s'est libérée, donc, pour moi, c'est une pseudo-indépendance. En quelque sorte, la colonisation française ou l'élite française n'a jamais lâché l'Algérie et n'a jamais voulu s'en défaire. Ça, c'est une réalité. Et je dirais qu'elle a placé ses agents et qu'elle a tout fait, plutôt la France et ses complices, parce que c'est le Khawana, les complices, ils ont tout fait pour saboter l'État algérien. Ils ont assassiné des présidents, ils ont plongé ils nous ont créé des crises sécuritaires, ils nous ont créé créé des crises économiques, et tout ça, toutes ces choses-là ont eu une influence sur le peuple. Parce que le peuple algérien, faut pas croire, attention, le peuple algérien, comme tu le sais, Samir, comme on le sait tous, c'est un peuple très, qu'est-ce que je veux dire, hanin bzaf. C'est un peuple d'un caractère très, comment dirais-je, sentimental. En quelque sorte sentimental. Mais c'est le sentimental avec bête et méchant. c'est des gens, l'Algérien à une certaine époque, ils pouvaient tout te donner. Juste parce que tu vois, fait le khair, il partage, tu vois, exact. Ils nous ont étranglés, tu vois, pour qu'on devienne mauvais comme ça. Pour qu'on devienne des êtres vils, des êtres, des menteurs, des hypocrites, des corrompus, des égoïstes. Tu remontes ça, donc, toi, à la colonisation, en fait. C'est-à-dire que c'est, si on peut remonter dans l'histoire, ça remonte à la colonisation où l'être humain algérien a été quand même détruit par la colonisation. Et peut-être que, comme tu disais, la reconstruction après l'indépendance, elle n'a pas eu lieu comme elle devait se faire. Et du coup, ça donne 50 ans plus tard à une Algérie telle qu'on est en train de la voir. Hein, si je peux, je sais pas si j'ai bien compris. Oui, disons que l'idée générale. Pour être plus précis, la colonisation, disons qu'elle a. Si tu prends un individu du temps de la colonisation, tu voyais qu'il avait quand même une certaine moralité, tu vois. Il avait une certaine éducation, une certaine distance. Et il n'était pas aussi sauvage que nous le sommes à notre époque, tu vois. Moi, je ne dirais pas que la colonisation, peut-être, elle a abêti certaines personnes, mais elle ne les a pas. Elle ne les a pas rendus violents et sauvages, tu vois. Donc, c'est ce que ce travail a été fait après. Il fallait pas que l'Algérien trouve une identité. Il fallait pas que l'Algérien se relève. Donc, il fallait créer un processus pour le. Et qu'est-ce que, si tu permets, Yannis, et qu'est-ce que, par exemple, qu'est-ce qui te fait dire, Billy, c'est une situation voulue, c'est-à-dire la corruption qu'on est en train de vivre actuellement, qui date maintenant de quelques années quand même, et que c'est une situation voulue, Yannis, elle est voulue par qui, par exemple, hein? Il suffit de lire le fameux livre de la sale guerre de Souadia. Souadia. Ouais. Il suffit juste de ce livre est la synthèse des mécanismes de la corruption en Algérie. Les acteurs ils sont bainés. Alors j'invite tout le monde, j'invite tous les auditeurs, toute personne ayant écouté ce que je suis en train de dire, de lire ce livre. C'est un livre qui est exactement la synthèse tout le début de la chute du projet de la nation algérienne, tout simplement. Donc, qui sont les acteurs? Ben, bien sûr, c'est... encore une fois, de plus, je n'apprends rien à personne. C'est ces fameux généraux qui ont fait le putsch de 1990. C'est évident. Pour dire, à la conclusion de tout ce que je suis en train de dire, c'est que je dis à mes frères et sœurs algériens et algériennes, n'espérez rien. Rien du tout de ce pouvoir maudit. C'est un pouvoir maudit. Il vous méprise, il vous déteste. S'il trouve la possibilité de faire un génocide en Algérie ou d'ouvrir Roma, ils le feront. Alors, Anna, ce que je voulais dire, c'est que gardez la tête haute. N'allez pas comme des pauvres Zawaliyas. Devant les mairies et vous leur dites donnez-nous nos logements, donnez-nous nos droits. Ils vous donneront rien du tout jusqu'à la fin des temps et ils feront rien pour vous. Ils feront rien du tout. Hadounes, il faut Samir, je suis pas en train de pousser les gens à la violence, mais c'est la colère au fond de moi. C'est ton point de vue, il y a pas de problème. C'est une révolte à la belle intérieure. C'est à la belle 30 ans on a subi le système de Allah, c'est trop bzaf à la belle qu'on va exploser. Khlas, surtout on a la génération qui a le l'irhab 90 et la crise artificielle qui a dit à la belle qu'on a vécu la misère noire. Ya sahbi, rana يعني واحد اللي يقول الحمد لله اللي رانا اون ايكيليبري كوم سا اي اون اي با دفنو فو ولا حاجه كيما هكا تي فوا يعني جاز علينا تران يا صاحبي سي سي سي سي سي سي تيريب سكي نوز سكي نوز سورتو ا نوتر جينيراسيون ا نو اون ا دي سيكال اون اريف بريسك با ا سو ريلفي يعني سي تيريب اي نوز اون اساسيني نوز اون توي ا لانتيريور avant qu'on soit mort, on est des morts vivants. C'est vrai. La mort est passée par là et c'est une mort qui a touché des milliers, des centaines de milliers de personnes et on est tous touchés. Les gens, ceux qui sont de l'autre côté de l'échiquier, c'est des gens extrêmement mauvais, extrêmement diaboliques. C'est une perte de temps terrible quand vous allez leur demander quoi que ce soit et ils en ont rien à foutre de votre existence, ils en ont rien à battre. Mais s'il vous plaît, ayez un peu de fierté. J'en ai trouvé d'autres solutions, mais n'allez surtout pas taper à leur porte parce que c'est des salauds. N'allez pas taper à leur porte et leur dire donnez-nous nos appartements, donnez-nous du travail, donnez parce qu'ils sont en train de se foutre de votre gueule depuis le début. Depuis le début, c'est comme ça et ils ne feront jamais rien pour vous. Voilà, cher Samir, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Samhli, si je me suis un peu emporté. Pas de problème. Et puis voilà, je dis à nos jeunes, si vous c'est vous l'avenir de ce pays. Si vous ne bougez pas d'une manière ou d'une autre, eh ben, vous finirez, vous serez vieux, vous allez mourir, vous n'aurez ni enfant, ni ce que vous êtes en train de rechercher dans cette vie. Vous serez de matouslouelou. Alors il faut trouver une solution. C'est impossible, il n'y a pas un problème ou la Mandouche une solution, c'est pas possible. Mais la solution, elle existe. Mais il faut qu'on soit solidaires tous ensemble et qu'on la trouve tous ensemble. Qu'on marche comme comme un seul point. Si on va pas dans ce sens, on réalisera jamais rien. Et croyez-moi qu'on aura des siècles et des siècles et rien ne va changer. Rien ne va changer. Et voilà, c'est Khoya Samir. Le message est passé, il est très clair, je pense. Anna, je te salue énormément. Merci beaucoup. Inch'Allah, Rabbi Ma'ak. Et quand tu auras envie de me contacter concernant la proposition que je t'ai faite, eh ben, il n'y a pas de problème. Tu as mon Skype. Impeccable. Voilà, Khoya, salam alaikum, salam. C'est moi qui te remercie et on essaie de se recontacter plus tard pour discuter sur une éventuelle émission et tout. Ça sera avec plaisir. Si c'est possible, hop, on le fait, c'est bien. Inch'Allah. Merci beaucoup pour ton appel, Khoya. Ton message est passé. Et puis, n'hésite pas à rappeler quand tu veux, bien sûr. Je t'en prie, Inch'Allah. Aïe, Abslama, à une prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, cher ami. Merci pour l'appel. Si vous voulez intervenir, Ya Khawti, Ikhwani, Akhawati, Aynama Kuntum, Hunaka, ou Huna, Huna ou Hunaka. On fait un petit clin d'œil à la radio Hnaoulik, la radio algérienne, web radio algérienne, cool. Radio Hnaoulik, n'hésitez pas à aller chercher ça sur Google. Pour le moment, nous sommes sur Radio Chicha. On essaie de faire passer les auditeurs qui sont en train de nous écouter, ceux qui veulent intervenir. Chicha DZ sur Skype. Chicha DZ, tout attaché. Vous pouvez intervenir. Le sujet de ce soir, il n'est pas très strict, mais on parle de la corruption, de la situation en Algérie. La corruption, comment vous voyez tous les procès qu'on est en train de voir dans la presse, etc. Toutes ces affaires, les Cheikh Ibrahim Ouma, Cheikh Ibrahim, les Bouteflika Ouma, Bouteflika, le DRS et Ouma, le DRS. Si vous avez un avis sur cette question ou là, si vous avez des questions à poser et tout, n'hésitez pas à intervenir. Vous êtes sur Radio Chicha. En attendant les appels, je vais essayer de vous passer un peu de musique. J'allais vous lancer tout à l'heure Rabah Don Quichotte parce que nous, on est fans des MBS. Et j'espère que vous aimerez ça avec Takfar Inès pour les gens Nesraïh, Irgezen. Allez, je vous laisse écouter ça. N'hésitez pas à appeler sur Radio Chicha Khawti. À tout de suite. الجنس لا تنغن في الأسوار تحكمن نكوني مثل غثارق نتنذي غمجارة نستلم ذلا الديمقراسي غيقاذي سان داخلي قرأي نسني نيسي آه يفكي غربا سكنينيني أنوا ورنسين وقبلا وكادي صوب الدين شروع عفتشتي وين ولاش أنوا ورنسين في خسارة في معمتين أقرو ديوكي في رزاقانين تاتيك ورس نتاوات الفنين يمنو لا شينا نديرين وريت فين واين العرين هاوي ديك انا رزانيلين دوني تكاية تسيرين هاني نفي ونيمين سما زيغ تارانيلين هاوي ديك انا نيلين اكزكو سميد نكرسي نيفكر حلقت كاني من غيان دايما زد غي دورار نجري بردان صدار نتحلي اسني دلوضا غي دريان سوت القنار نكون نتاوي الشيعان وثني حبك سن القصار دايما كما ثورا فقاغ نغتي كد كان رعيشة اللوز نورا وذي مولاني وخشو ثنولان درا فريني وعاغة تكرا اكلة الدراغ تمازي اختاكي مسكو ذلي غلا تهدرا غلا تسعى شايا نكا كما غيزي كي فقاغ الديغ تامي كردان الدولة لارمي ذني ثني نسعى ندي مليار ني مليار الجنس اللي ندين ثني وذا شو ستاكن هي العناية فينية مدي غذي مازيغ انت الشارع يفكن سعاني وتريتين يتسغن الدوفيس دورات متشاثم توكن سعاني ذورا تشرف في الناس كنا تضل يون كشري كيوسي نورمال ذا مدى كل بوحفيف بوسليف وضقوال جنرال يمدي ذي مازيغ نوكي وكذي وخرن اي ما يما اذي كولي غداين نكذا عنا غذي خانفن كملو فكن اسمها ثارث نجحم اسمها ثارث نجحم اقلعوك ذي مازيغ اقلعوك ذي مازيغ آه ميس كان يزيد يا ربي يدي خلق الكل شيء غيبنا استيقين بولس نتساوى ذلفنين يمروا لا شاين نديرين وريت بين واين العالين هاوي دكان ارذاني لين دوني تكاي تتسين اني نفي ونيمين استمازي غثاراني لين هاوي تاني كاب ويجي للدار صدمنا غلف ثان معنا في كل مورث نوضة ذاري الدار وصف دوان الدار ستون كان ما يدهن يبا ذو يقرن السينارة اذ نغل النولة دامان الداسة ذقواس بباضون برا ثم زوار فعه ذكر بمورو غالبا ذو تشغيل السون اي مهدرن كان ورث نحشامان سرين وقلان العمر ثكران لهضور تقارن الميزان عطاس عطاس يقغلن لمر ذا سهلان ادن الرباطش القروني فوتن عدان من غير ما تندي قول من ذي الشعور ذقع وزان او اذ يسخلطن يما تسندي بوني فلان اني غتلوز غني غلاغي ويغلي زرمان ورفهما غتلوز مع ضرط عمثنا كاس اللاصق يظلي كان فرنسيس تصفغط تشيضة بلوط صبرط وما الساقيم ذي ما كانت تخفلض دوني تكايتا تسيلي ورس نتاوى الفنين خاوي ذكا نار ذاني لين دوني تكايتا تسيلي هاني نفي ونيمين استمازي غثاراني لين اللي مزغني كوي يبغانا يدي فهم ويدو من سما الدريان سوتي قنار دي مازيغان رفافر رفافر رفعتش القرونة يغن لغن ولوين تسعرفن قرن تدكن تشرب يوران تثون زيوين نجي دفنسم اسمران تفهمن اسم تفهمن سعى نصهر نسعى الزهر يمين اللن سخيثن اندات وسن اه معنا من سوليون يايش نسجن السومة ثغن قرت مقول ثراث مصاقين تنوزنا متغطن مقرد السكة ذيك فكن ثروحي من سن تسلتان يزيك كان صور نتنغف مثل وذي موثن في اللغ جهد نشفوث في اللسن يركزن وذي يسحدوني دي في الدوني انتي فروني دي كبوني انتي بنوني يكتفو الدون نتشادري ثن ذي الخير ذي مكل اوان نتشارو لوصيب لا تنسن ذي قول اوان نتوالي ثن ذي ثرانا ريق نوان يرنا غاز دك يطيش بوسك نوزال تخانن اكان يبرقن اكان يبرقن اكان يبرقن لمرو لا شاين نديرين وريت بين واين في لوفاق في لوفاق تفكر ترى نزور كان سيد مزيغ سدوني ثكيت بنا هاوي ذكان أرداني لين دوني ثكاية تسيلين هاني نفي ونيمين استمزيغ ثاراني لين حيقفوني لين était en train d'écouter Cher Sidi Bémol, juste après MBS et Takfarines. Le bal des voleurs, la chanson indicte à Cher Sidi Bémol. Donc, vous êtes toujours sur Radio Chicha, il y a El Salem. Ce soir, l'antenne elle est ouverte pendant 2 heures. Hatta sa'al ashira bitawqit al-Jazair. Tous ceux qui veulent intervenir sur Radio Chicha, marhaba bihom, vous n'avez qu'à appeler Chicha DZ sur Skype pour passer à l'antenne. J'espère que tout se passe bien chez vous. Le sujet ce soir, si vous voulez intervenir sur ça, c'est la corruption. Le problème de corruption en Algérie, c'est un problème qui, comme on dit en Kabyle, est au darirs. C'est un problème qui a touché vraiment l'Algérie de plein fouet. À mon avis, c'est pas un nouveau problème, surtout concernant la grande corruption, c'est-à-dire les grandes affaires, c'est pas nouveau en Algérie. Je pense que notre pays a toujours fonctionné sur des détournements et tout, mais des grandes quantités tout en haut de l'État, à mon avis. Mais c'est vrai que ces dernières années, c'est devenu généralisé. Et maintenant, on parle aussi de corruption qui touche toute la population et tout. Je veux dire, les administrations ou le khadamet, etc., ou la bi'ouchra, ou le business, ou là, tout est question de trucs complètement illégaux, des dessous de table et tout. On a remarqué, mathalen, comment le commerce il fonctionne en Algérie, comment il est notamment géré, on voit bien qu'il y a un problème. Par exemple, je cite juste l'exemple, ça me revient comme ça, il y a un an ou deux ans, c'était avec le Ouihia, qui était, il avait sorti une loi, ils avaient installé une loi pour pousser les gens, les commerçants qui font, les grossistes, à payer par chèque, à partir d'une certaine somme. Et il y a eu un gros problème, je me souviens de ce que ça a créé. Va savoir ce qui était vrai, ce qui n'était pas, comment ça se présentait. Du moins, les gens concernés avaient refusé parce qu'ils ne veulent pas payer par chèque, puisque tout est question d'espèces. Tout se paye en espèces et c'est du dessous de table et tout. Donc, à mon avis, c'est-à-dire il y a un problème qui est déjà institutionnel et qui fait que les choses ne se passent pas normalement. Si on organisait les choses institutionnellement de manière correcte et tout, je pense que c'est une solution pour les problèmes de corruption, notamment la grande corruption et tout. Mais pour cela, il faut une volonté politique et de la volonté politique, il n'y en a pas. Puisque les premiers concernés, c'est ceux dont on parle là. C'est-à-dire, Houmali, Psharahin, Hebsor, Wahtehum, la corruption. Tu vois, c'est ça le problème. Donc, voilà. Mais les solutions, elles existent et tout. Elles relèvent d'une solution, d'abord, à mon avis, politique, ensuite technique. C'est probablement technique aussi, au niveau des lois. Moi, j'avais discuté un petit peu avec quelqu'un de l'association de lutte contre la corruption en Algérie, ANLC. Vous pouvez de toute façon voir leur site anlc.org, anlcdz.org, anlc-dz.org. J'avais fait une petite discussion avec un des animateurs de cette association. Il a très très bien expliqué le système de corruption, les problèmes et tout. J'espère que j'aurai l'occasion, peut-être s'il est disponible et s'il a le temps, de venir peut-être une prochaine fois sur Radio Chicha dans l'émission pour intervenir sur ce sujet de la corruption et comment lui il le voit, parce que en fait. Il a dit par exemple quelque chose qui était très important à mon avis, c'est que la corruption, elle est d'abord, c'est un problème de loi. Lui, il a analysé les lois et il a vu qu'il y a des problèmes sérieux au niveau de la loi. C'est la loi déjà qui pose problème. Donc, j'essaierai moi de lui lancer une invitation s'il peut intervenir bientôt. Il va nous expliquer tout ça. Donc voilà, il y a des problèmes qui relèvent des institutions, il y a un problème qui relève de la loi, et il y a un problème qui relève du politique, parce que si le système politique il est comme il est, ben c'est un problème. C'est le système politique qu'il faut changer si on veut s'attaquer au problème de corruption. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, hein, ce que vous avez... Vous avez sûrement un avis sur ce problème de corruption. Je pense que tous les Algériens, ils ont un avis. Vous pouvez l'exprimer sur Radio Chicha en direct live sur l'antenne. C'est ouvert, c'est gratuit. C'est sur Internet, Skype, Chicha DZ sur Skype. Chicha DZ, tout attaché, si vous voulez intervenir. Tant qu'il n'y a pas d'intervention, on va passer de la musique. C'est toujours ça de gagner. Je vais essayer de vous passer. J'avais préparé tout à l'heure une autre chanson. Je vais faire un petit clin d'œil à un ami comme ça sur Internet. Et puis un musicien et des gens qui chantent du rap. Voilà, Dorna Rap ce soir. C'est un peu hip-hop, notre sujet. Laja. l'Aja, l'Axe, le Kursi. Allez, on écoute ça. C'est du lourd et c'est du rap algérien, quoi. نحن في وضع لا ندين فيه ولا نستدين نظام حزب الله لا ندين فيه ولا نستدين le combat pour construire le nouvel ordre mondial du 21e siècle نظام الرئيس نظام الحكومة لا ديمقراطية بدون مؤتمرات شعبية ارفع راسك يا با ديمقراطية معناها ديمقراسية كي ساكو كي بوتاف كي مباركة كي قدافي لا ما عندكش الكتاف غير وجد المدافي واحد قال مزانقة الاخر صدم بالجمال بلالي مرتاح تاكا كاع جاهم الهبال كلاو كاع الفايدة بارتو راها نايدا ما في الرباط وكازا كي مالك الرؤاسة كرهنا من المرياسة لي شادين الكراسة للشعب ديروا بلاصة شي تزيدوا له في الخلصة كي نور جبر العبسة الشعب يبرم بالماصة وانتوما غير بالويسكي طاسة مورا طاسة وشاف البوطي مريسكي وانت من فوق التيكي التيكي بالكي شريكي كي شيكي والبيريكي ما دايا ما تستيكي البلاد والحكام ميكي ليني فيني فيكي كرهنا منكم ليتشي مكاش لي غادي لاشي الشمس ما تدرك باشي ضوي على كاع الغاشي كرهنا منكم ناس سيلا فرها في الكرسي كت كرسي مزاج الجزائر رفع الاعلام مزاج بلاد ارفع راسك يا با بلاد والحكام ليكي شباب الجزائر واحد قال مزان زان زاجا كاش كاش كاش هم الهبال وانا انتخبت نفسي قول قررين موش مقبول شباب الجزائر وما ادراك بالجزائر من اللي ستراني قارع كيلي مقبول تهضروا بالقانون وشعب يموت مهضوم هنا سلعب بالطابع مش سلعة اليوم سلعة من ديك لي دوم وتعصب مش مسموم من اللي ستراني قارع كيلي مقبول تهضروا بالقانون وشعب يموت مهضوم هنا سلعة بالطابع مش سلعة اليوم سلعة من ديك لي دوم مش مسموم من اللي ستراني قارع كلمات مظلوم تهضروا بالقانون وشعب يموت مهضوم هنا سلعة بالطابع مش سلعة اليوم سلعة من ديك لي دوم مش مسموم من اللي ستراني قارع تهضروا بالقانون وشعب يموت مهضوم مش سلعة اليوم سلعة من ديك لي دوم مش مسموم لا جا دبل ا لا كلون ناس لانجيري ناس بونتا L'équipe de nuit, DJ SK 2011, Khatam Aspak, Zaf Records, KDR, Body, Gala Dream Team, Motherfucker! On s'y fait chabab, t'as un abaya. Liye abaya! Rabiatat, bel balad, min ahsan buldan. Kul li sarahatin, l'udru ala ma huwa alih. Stiklana marroun, bi alaqatna ma'al kharij. Alaqatna ma'al kharij. Alaqatna ma'al kharij. Radio Hashisha. Saha Saha Laja, double A. C'est du rap algérien. Des jeunes Algériens, Menhna ou Menhlek et tout, ils sont installés là, ils vivent là-bas, un peu là, un peu là-bas. Ils font de la bonne musique, moi je les encourage. Ougal Karfaras qui a balé le Kursi. وقضيت كرسي et donc voilà c'est toujours nous sommes toujours sur Radio Chicha nous avons encore une demi-heure devant nous si vous voulez intervenir pour cette première émission que nous faisons sur Radio Chicha il y a un petit programme hein, comme ceux qui ont écouté il y a encore des choses à faire en fait il faut s'améliorer il faut améliorer tout ça. Je pense qu'il y a des idées, c'est bon. Les émissions, comme je vous le disais, elles vont être enregistrées sous forme de podcast de 2 heures qui vont être en réécoute sur Radio Chicha, radiochicha.com, rubrique podcast. Donc voilà, on va essayer de faire un peu dans les normes. Si j'ai le temps, je le ferai avec plaisir. Et peut-être qu'il y aura aussi d'autres émissions, d'autres concepts d'émissions, ça serait bien. Et puis voilà, pour le moment, l'émission antenne ouverte à tout le monde. Tout le monde peut dire son avis. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la corruption. Elle connaît la corruption, parce que là, les affaires, elles sont vraiment graves, elles sont énormes en fait. Les sommes, elles sont énormes. Je ne sais pas comment on peut laisser faire yani, un truc pareil pour notre pays. Franchement, yani, c'est mon avis perso. Chacun a son avis. Hein. Mais c'est vrai que les affaires, elles sont vraiment graves, importantes. Moi, j'ai écouté M. Houssine Malti, les interventions Théo ces derniers temps. Il a tout dit, en fait, il a dit des choses très importantes. Et encore, comme il disait lui, on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. La gravité, on n'a encore bien vu. Gelk Houssine Malti, allez voir ce qui se passe, par exemple, sur la sphère de la vente du pétrole. Mais si la sphère de les, par exemple, les projets, un projet d'usine, un projet de pipeline, etc., fait des affaires. Ils font des affaires de 200 millions de dollars, des trucs comme ça. On a vu comment c'est la justice étrangère qui nous a alerté sur des affaires qui m'aident. Gal Jazeerine, elle est belle, sauf la justice algérienne. Et donc elles sont énormes. Mais sinon, Gaelic, c'est encore beaucoup plus énorme si tu vas chercher sur certains sujets que personne ne touche. Gaelic, Houssine Malti, il sait ce qu'il dit. Gaelic, personne ne touchera à ça. Allez voir exactement ce qui se passe sur le contrat et sur la vente directe du pétrole aux pays occidentaux et aux sociétés internationales et tout. Vous allez voir, lui, il a donné des chiffres, il situe le chiffre de la corruption sur ce point-là à environ, ou la Marani Shalot, 5 ou 6 milliards de dollars fi sana wahida. 6 milliards de dollars, c'est le chiffre de l'argent qui va dans la poche des gens. 6 milliards de dollars. Allez, parce que Gaelic, nous avons à peu près, nous vendons officiellement Hakayani. En plus, si on cherche, peut-être que c'est beaucoup plus que c'est autre. Mais nous vendons à peu près 80 milliards de dollars de pétrole par année. Gaelic, normalement, le taux de corruption, il se situe à entre 5 et 10%. Tu vois? Voilà, et on peut le calculer à peu près. Bien sûr que nous sommes dans des chiffres approximatifs. Si ça se trouve, c'est beaucoup plus grave que ça. 5-6 milliards de dollars. Darbouha el khawa bach choufou chhal b dinar ou b centime algérien. Ou hello rouf la poche ta'nes. Voilà la situation. Elle est gravissime quand même. Et les autorités algériennes sont directement responsables de ça. On ne peut pas faire semblant, faire des discours ou là, je ne sais pas, je suis comme tout le monde, j'observe ce qui se passe dans la presse. On a vu comment ce sont les services de renseignement qui enquêtent dans une logique complètement liée au régime, en fait, c'est-à-dire une sorte de guerre de clans ou là, un truc comme ça, qui n'est absolument pas une solution pour le problème du pays, c'est clair. Et du coup, il y a un big problème de corruption. On reviendra à ce sujet, j'espère. Une autre fois, peut-être si on arrive à inviter quelqu'un pour en parler d'une manière un peu plus... quelqu'un qui s'y connaît. Mais le sujet de la corruption, yalla, t'es fier à sol là, si je peux me permettre de le dire comme ça. J'arrête de blablater. Encore une fois, vous êtes sur Radio Hachicha. Si vous voulez intervenir en live, c'est Hachicha DZ, tout attaché sur Skype. Vous pouvez appeler, c'est gratuit. Vous passerez à l'antenne sur le sujet de la corruption Lio, Moula Kimahbetou, parce que c'est notre première émission, hein, c'est la zéro. C'est juste du test. Je vous passe de la musique. Encore, nous avons 30 minutes devant nous. Marhaba Bikoum sur Radio Chicha. Qu'est-ce qu'on va écouter? Moi, j'ai envie de passer à un truc un peu plus gay, peut-être. C'est Orchestre National de Barbès. Allez, oui.

Voilà, voilà, ya El Salam, vous êtes toujours sur Radio Chicha, Sa'a Rahi, Tassia wa Arbaouna, Dakika. L'Ashra Ghir Ashrin, qui me coule en Dana, l'Ashra Ghir Ashrin, Bitoqit al-Jazair. Donc, c'est une émission de live où l'antenne elle est ouverte aux auditeurs sur Radio Chicha. À chaque fois, il va y avoir un sujet, les gens ils peuvent appeler pour intervenir sur le sujet Bikul Huria. Pardon, les gens ils peuvent intervenir en langue française ou la blarbia bdarja ou la blarbia alfusha qui m'aime ou la blarbia bien sûr, skvelif. Et donc c'est ouvert, n'hésitez pas à appeler. L'émission elle dure 2 heures à chaque fois. Elle sera enregistrée pour passer sur Radio Chicha sur le site. radiochicha.com, vous pouvez écouter les podcasts, les émissions elles sont enregistrées, vous pouvez les réécouter, les distribuer sur votre page Facebook si vous voulez partager, etc. Et puis n'hésitez pas à le dire autour de vous, blé, il y a une émission sur Radio Chicha qu'il faut écouter, etc., etc. Il faut partager ça sur votre page Facebook, inviter les gens, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous laisse écouter un peu de musique en attendant les appels. On a encore 20 minutes devant nous. Je vous laisse écouter Kamel Msaoudi pour ceux qui aiment le Chaabi. Kamel Msaoudi. Side. Radio Hashisha. ساعة حالة منظور قريفة السن ورثو في غذاش قنوذة حالة خيمة يرتيم ذنن أما رث الجالي عدى ليلة سوريا مثرم سني سوري كثنارا حالا سني تري يومي لاقان يظهرني سر كل نارا أولا سمكاني ثوثان مثل سقسا مين قليدا أرضا تفهم زروان المرة الجاني عدا إلى سوريا مثرى أينك كنت ذيك ستو قدام يك يس عاد ذيك قرويس ما يسع شام يقدام نظرة يسع ثقيخ في الكلسيس ماشي ذن التاريث نغام روح ذات نغام الهضوريس أما رثجاني عدام إلى سوريا مثرى الله الله يا ذا مثنى يا رجاز نور نكلا الله الله يا ذا رحنا يا رجاز نور نكلا الله الله يا ذا مثنى. Voilà, voilà, on était en train d'écouter Il Flaouen. Désolé, je n'ai pas pu passer Kamel Msaoudi Lairhmo. Ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de le faire tourner. Il n'a pas voulu tourner. Je pense qu'il y a un problème sur le MP3. C'est pas grave. On a écouté Il Flaouen avec grand plaisir pour moi sur la liberté d'expression. On ne peut pas arrêter les idées des gens. On ne peut pas arrêter les opinions des gens. Donc ça tombait bien. Donc voilà, en fait, on arrive à la fin de l'émission de ce soir. C'est la, première émission que je fais. J'espère que ça n'a pas posé trop de problèmes et que ça s'est plutôt bien passé, que le son il est passé, parce que moi j'ai pas entendu ce que ça donne en fait. Le tout, normalement, si tout va bien, tout est enregistré pour un podcast. Vous pouvez retrouver ce podcast sur radiohashisha.com dans la rubrique podcast. Vous pouvez trouver cette émission, vous pouvez réécouter ou la partager sur Facebook, c'est comme vous voulez. Il va y avoir d'autres émissions. Pour ceux qui ont suivi, vous avez vu Billy Feha, des idées. On peut faire des choses, et puis les gens, s'ils veulent faire, il faut faire. Moi, je vous encourage. Les gens qui me connaissent, ils savent si je peux aider, j'aide dans la limite de mes connaissances, maigres connaissances. Et la prochaine fois, j'espère que je pourrai inviter des gens pour parler sur un sujet, pour inviter un journaliste ou là, s'ils veulent bien, pour nous expliquer ça. Ça sera ça de fait, parce que si on essaie de s'aider à comprendre un peu plus ce qui se passe, c'est bien. C'est-à-dire, si les gens ils veulent bien participer, contribuer, comme ils ont fait tout à l'heure, les gens qui ont appelé là, moi j'apprécie cette démarche-là qui consiste à contribuer. C'est-à-dire, il ne faut pas rester passif. Les mouahed, il va participer, il ne faut pas rester passif. Du moins, je le vois comme ça, j'impose rien à personne, les gens ils font comme ils veulent. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais finir comme ça, je vais essayer de vous passer les dernières musiques avant la fin de l'émission. On a essayé de parler sur la corruption ce soir, même si c'est juste la première émission, donc le sujet n'était pas fixe. Donc on a parlé un petit peu de la corruption. Un sujet qui la corruption le Fesed fil Jazair, c'est un big problème, mouchkil kabir, donc je pense qu'on y reviendra, on reviendra sur ce sujet pour parler amplement, pour essayer de comprendre encore plus c'est quoi ce problème, c'est qui fait quoi au bénéfice de qui et comment on peut le régler. Je pense qu'on peut se poser ces questions, on peut se poser la question individuellement, c'est-à-dire on est tous concernés par la corruption, parce que à la belle qui te goûte corruption, ça veut dire qu'elle est corrompue, et on en a gamme. Donc le sujet il reste encore ouvert, et puis c'est tout ce que je voulais dire pour ce soir. Je remercie tous les gens qui ont appelé ce soir. C'est une démarche que moi je respecte. Et puis Radio Chicha is alive, mazel nahiyin, je rigole un peu. Mais bon, dans l'esprit, comme on avait fait au tout début, c'est-à-dire le partage, la contribution, le dialogue interactif et tout, on va essayer de faire ça. Et puis toutes les propositions, les critiques et tout, n'hésitez pas à les faire. Vous passez par radiochicha.com, il y a une page contact, il y a moyen de nous envoyer des messages, y compris des messages audio si vous voulez. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et puis c'est tout, je m'arrête là. نلتقي معكم في حلقة قادمة إن شاء الله. أنمي أقلق ساعة الخير. Merci d'être là, merci d'avoir écouté. Je remercie tous les gens qui sont intervenus. On essaiera de continuer, إن شاء الله. إلى حب ربي. السلام عليكم, bonne soirée. وتحية الجزائر. À forte dose, et le peuple en transpose ou pas sans fume ou sans rose ou pas, car sans poésie la vie devient une arthrose. I said the action must be the first expression. Refuse the ration that keeps you the nation. No paradise, no, no paradise, no, no paradise, no devil. No paradise, no devil, no, no domination. Here we are to make a revolution. Crack booby, crack booby, crack booby. A fucking cowboy. Et rendez donc au Romain. Romain, ce qu'appartient à César, puisque César n'est qu'un Romain. Parmi les Romains, il faut que ses mains passent par long, grosse paluche et bonne main, et que se taisent tous ces crétins qui comptent sur Bush et ses bourrins. Dance, dance, dance, Ben Laden, dance, dance, Ben Laden, dance, dance, Ben Laden, dance, dance. Bitch, I could buy some meat. Clap for me, clap for me, clap for me. Each of the bands and me, clap pour me, clap pour me, clap pour me. Each of the bands. Est-ce que vous voulez chanter? Clap pour me, clap pour me, clap pour me. Each of the bands. Ça va être comme ça. Clap pour me, clap pour me, clap pour me. Run away, run away, run away now, run away. Run away, run away, run away now, now, run away now, run away. Win, win, win, win, win, win. Je sais que vous pouvez être aussi perspicace que efficace, et j'entends pas très bien les voix, alors j'aimerais bien entendre un vrai runaway, parce que là quand même, on est en train de dire à l'armée américaine de rentrer chez sa mère, et il faut qu'ils nous entendent. Comme nous on est à Paris et qu'eux ils sont en Irak, ça serait bien qu'ils nous entendent. Donc j'aimerais bien un runaway massif, un peu plus testiculaire s'il vous plaît. Donc ça fait ça. Runaway, runaway. Runaway, runaway, runaway now, runaway now, runaway. Ok les gars, vous savez que vous êtes ingouvernables. Là comme ça à mon avis, même Pol Pot il peut rien faire. Ok, on se la refait avec un petit décompte, hein, un truc un peu mathématique. Ça fait 1. Run away, run away, run away now, run away now, run away. À vous. Vous êtes hyper nerveux en fait. Ok, on essaye autre chose. Run away, run away, run away now, now, run away now, run away. Run away, run away, run away now, now, run away now, run away. Franchement, vous plaisez, hein. Même eux, vous leur plaisez. Ils ont envie de jouer, vous leur donnez envie de jouer. Là, vous êtes en train de les énerver grave. Alors moi, j'aimerais bien vous voir tous ensemble. Est-ce que vous avez des baskets? Ok, alors imaginez que sous vos pieds, il y a la tête de Bush, la tête de Blair et la tête de la personne que vous détestez le plus au monde. Ça marche comme ça? Et j'ai envie de voir tout le monde en l'air. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 1, 2, 3. Ok, je sais qu'on est à l'Élysée Montmartre, mais quand même j'ai l'impression qu'on est infiltré par la CIA ou par le FBI, non? Vous sentez pas ça? Non, parce qu'il y a des gens qui sautent pas, on dirait qu'ils ont peur de lui faire mal à Bush. Et lui, il n'a jamais eu peur de nous faire mal, donc j'aimerais bien que personne n'ait peur de lui faire mal. J'aimerais bien voir tout le monde dans l'air maintenant, ce soir, tout de suite, en direct. Paris, Bagdad, à partir de l'Élysée Montmartre, ça fait 1, ça fait 2. Ça fait 1, 2, 3, 1. On n'y a pas de couilles, alors elles sont toutes petites. Les femmes afghanes payent le prix de l'American Dream. Bye bye ice cream, tout le monde est témoin du crime. Bye bye bye bye bye, oh bye bye ice cream. A coup de baisse, de bon crime, les young people de l'escrime. L'Amérique est sniffée, son pica d'être libre et sans colline. Qu'elle fume du crack et de l'Afghan avant d'aller fumer l'Irak. Le monde nous traque et fabrique des trucs et des matraques pour des cinglés en uniforme qui qui n'ont pas reçu leur baka, qui verront sur le saka des escrocs et des macailles qui fabriquent du steak tartare, viande hachée américain et mangent des coquilles Saint-Jacques. Entre ma Chucky, Chucky, Chucky, Chucky, the bus. Clack a booby, clack a booby, clack a booby. Eat Chucky, Chucky, Chucky, Chucky, the bus. Clack a booby, clack a booby, clack a booby. Eat Chucky, the bus, happy. Clack a booby, clack a booby, clack a booby. Eat Chucky, the bus, happy. Clack a booby, clack a booby, clack a booby. Ok, est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous commencez à transpirer? Ouais, ça c'est vrai parce que ça sent, je commence à sentir. Non mais c'est bien, c'est... moi j'aime bien quand ça sent la transpiration, je préfère ça à l'odeur du neuf. Vous voyez la voiture, l'odeur d'une voiture neuve? Vous voyez ça? Ça c'est horrible ça. C'est horrible, ça c'est un truc d'aristocrate. Donc maintenant on va vous faire une chanson qui n'est pas du tout aristocratique. C'est une chanson... En fait, qu'on a retravaillé. En fait, c'est une reprise. C'est une des rares reprises qu'on fait. Et c'est une chanson qui est très vieille et qui, avant, faisait pas mal de mal à nos parents. En fait, c'est une chanson qui a pas mal fait du mal à nos parents. Et finalement, aujourd'hui, elle est devenue comique, cette chanson. Maintenant, nous, elle nous fait rire. On va savoir pourquoi. Vas-y, Pierrot, fais-le.